Diversité, culture, faits religieux, société, histoire, réflexion, débat, c'est votre émission Bayen. Toutes les bonnes choses ayant une fin, je vais faire comme le lion, je vais me reposer, mais c'est pour mieux vous retrouver, je l'espère en tout cas, en pleine forme à la rentrée. Et qui dit vacances dit un peu plus de temps pour peut-être lire le roman de l'année ou encore se faire une toile ou mieux encore revoir un film sur lequel on a flashé. Elle est enfin heureuse. Mia, ça reste un animal sauvage et maintenant il ne quitte plus son enclos. Tu peux entrer si tu veux. Mia ! Sortez de là tout de suite ! J'en reviens pas que t'aies risqué la vie de ton frère. Et vous avez peut-être reconnu un extrait du film de Gilles Demestre sorti le 26 décembre 2018 qui nous raconte l'histoire de Mia qui, à 11 ans, noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Je sais, moi je suis né en Afrique du Nord, c'est peut-être ça le lien, et je vous avoue que dès qu'un film évoque mon continent natal, je ne peux m'empêcher de le regarder encore et encore. Je vous le conseille donc vivement, ce film écologiste marqué par l'engagement de son auteur. Lion Sleeps Tonight, en français, le lion dort ce soir, chanson populaire sud-africaine composée par Solomon Linda en 1939 sous le titre M-Tube, reprise de nombreuses fois, notamment celle-ci, United Kids, elle est devenue un succès mondial. Sa version française a été popularisée une première fois en 1962 par Henri Salvador, puis par le groupe Pow Wow en 1992. À travers champs, c'est dans Bayenne, avec Moussa Alem. Mais il n'y a pas que les salles obscures pendant les vacances, c'est aussi en dehors de cette période estivale. Il y a aussi la découverte de titres et de chansons de Dalida, Luis Mariano. En passant par Warda et Dahman El Harachi, on peut pousser la chansonnette sur des airs familiers tout en découvrant l'histoire de la création musicale métissée. C'est ce que nous allons vous proposer dans cette émission. Quelques minutes durant, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, à commencer par Stromae, c'était au Festival du Rire à Marrakech et je suis sûr que vous avez déjà entonné cela dans votre salle de bain, mais voici une toute autre version. Alors on se tait. Alors on se tait. Alors on... Qui dit étude dit travail, qui dit taf dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille et dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. On danse, on danse et puis on danse, alors on danse. À Marrakech, alors on danse. Alors on danse. tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin qu'il t'en sort, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes, bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouches plus tes oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, eh ben y en a encore. Stromae au festival Marrakech du Rire en 2012 à l'Orange Star. Bah oui, on peut danser aussi pendant les vacances pour se détendre, pour oublier un peu les soucis de l'année, pour pourquoi pas se remettre en forme pour l'année suivante. El Bayen, votre émission préférée que vous écoutez pour la dernière de la saison. Quelques conseils pour bien passer cette période estivale et pourquoi pas profiter d'avoir un peu de temps pour rendre visite à celles et ceux que l'on aime. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tu fasses, l'amour est partout, tu regardes dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. ما عندي حيلة انت يا شابة يا الزينة سمرة جميلة وحنينة خليتي قلبي في غبينة يا ما تخلينيش وحدي تسامحي فيا شغلتي بالي الولف والفراق صعيب يا مهما يسرى عمري عمري ما نسمح انا في حبي شريكة قلبي وحياتي مهما يقولون وكل ربي tu fasses, l'amour est partout, tu regardes dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Najim avec cette excellente reprise de Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, un de ces artistes qui, comme autrefois, les chanteurs issus de l'immigration, bénéficiaient de scènes informelles dans les cafés en France et plus particulièrement à Paris. On lui souhaite bien évidemment une longue carrière. On connaît la chanson dans votre émission Bayen avec Moussa Alem. La copie ou l'original ? اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك. Pour moi, il n'y a pas photo, même si souvent on entend des reprises de chansons célèbres et en ce qui concerne certains artistes comme Jacques Brel ou Léo Ferré, ça frise parfois, mais pas toujours, je vous l'accorde. Le sacrilège. En effet, ces interprètes ont une personnalité si forte, si marquée, que leurs œuvres ont acquis un caractère presque définitif. C'est ce que l'on a cru avec le groupe algérien Babylone et son tube Zina, jusqu'à la reprise de l'artiste québécoise Lydia Ferrand en duo avec Reda Godbi, chanteur marocain, accompagné tous deux de Sébastien Robichaud à la guitare. Tendez l'oreille, vous allez l'entendre, une cousine outre-Atlantique qui chante en arabe, ça vaut le détour. ونكون حداك عيا قلبي شوف عواك وين رماني وطخو بالسافي برواجو تاني ما دبري ياه الحب واندر حرتوني والتاني واسفن يو خلي حبيب كما تسا ايه زينا ما درت فينا انوخ قلبي حوسنا لك من وخينا اي زينا ما درت فينا انوخ قلبي حوسنا لك من وخينا القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة نجمة ما بنتي من كنتي هدا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي كريش لي في ظلام علي سولتي فيريا بالقمر بعيونك ضويتي قالوا لي لك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هديك شعر قولي لي علاش عربتي ايه زينا ما درت فينا عينو قلبي حوسنا عليك من وخينا يا زينا ما درت فينا عينو قلبي حوسنا عليك من وخينا والعين اللي بكات محال تسامحني علاش يا قلبي اهواك غدرني وراني مجروح شكوني دهويني هيه يا رياح وديين غامي اسمعهم الحبيب يعرف حوالي هيه يا الزينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي إيه زينة ما درت فينا. Magnifique reprise que vous pourrez retrouver sur internet comme d'autres chansons qui magnifient le partage des cultures, l'ouverture à l'autre, la promotion du vivre ensemble égalitaire, cela s'entend, briser les murs alors que l'époque est aux tentations de fermeture et de repli dans l'entre-soi. Bref, je vous confirme que la musique adoucit les mœurs. Retrouvez toute l'actualité de votre émission sur Facebook, émission Bayen. Oui, pour rester en contact, on ne sait jamais, un petit message, coucou, ça va, et pourquoi pas. J'adore ça, moi, être avec vous et revisiter, en l'occurrence aujourd'hui, les chansons qui influent sur notre histoire, mais qui sont aussi le reflet de notre société, qu'elles réagissent à un événement ou qu'elles se fassent le miroir de nos travers immuables. Allez, une dernière pour la route, parce que je vais devoir vous quitter à grand regret. Je vous souhaite de belles vacances, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous cette saison durant. Je vous retrouve avec plaisir dès septembre avec toute l'équipe de votre radio que je remercie également et avec lesquelles nous reviendrons très vite pour d'autres aventures avec vous qui êtes à l'œuvre dans les quartiers populaires, mais aussi avec des témoignages de grandes signatures, des chercheurs, des sociologues, des théologiens, des libres penseurs, des journalistes, des artistes, des historiens, voire des élus. D'ici la rentrée, je vous laisse avec cette superbe reprise de Viviane Bichara, d'un célèbre titre qu'il n'est même pas besoin de référencer ici. Portez-vous bien, promettez-nous d'être heureux, dites je t'aime à celles et ceux que vous aimez et que la vie vous soit douce. Shit!